Moko pe sak fe mwen pa we o, moko pe sak fe mwen pa we o, moko pe sak fe mwen pa we o, moko pe sak fe mwen pa we o, moko pe sak fe mwen pa we o. Famille te malade, ay moko pe sak fe mwen pa we o, famille te malade, moko pe sak fe mwen pa te we o. Ay, mon copain, ça fait moins pas well. Famille, tu es malade. Mon copain sac fait moins pas well. Mon copain sac fait moins pas well. Mon copain sac fait moins pas well. Mon copain sac fait moins pas well. Mon copain sac fait moins pas well. Famille t'es malade. Aïe, mon copain sac fait moins pas well. Famille t'es malade. Mais oui pas well, pas well, pas well. Famille t'es malade. À la merde pas well, pas well. Pa well, mon copain, ça fait pas de well. Famille t'es malade, mon copain, ça fait moins pas well. Famille t'es malade. Sac fait moins pas well. Famille t'es malade. Aïe, mon copain sac fait moins pas well. Famille t'es malade. Mais oui, pas well, pas well, pas well. Famille t'es malade. À la merde, pas well, pas well. Famille t'es malade. Mais oui, pas well, pas well.